qu'ils te rencontrent, c'est des graines beautés. Les graines beautés, c'est des petites bestioles qui se promènent dans le pain. Puis les petites bestioles qui t'aiment tellement, ils s'en frappent à ton corps, puis ils deviennent un grain. Aujourd'hui, il y avait un grain de beauté rouge et trois grains de beauté noirs. Mais j'ai pas enlevé l'eau du bac parce que je veux qu'ils reprennent de la vie parce que respirer en dessous de l'eau, ouais, ça nous prendrait des bouteilles, des branchies. C'est vraiment des belles découvertes que de savoir que les graines de beauté, c'est des insectes acariens qui se posent sur nous. C'est ma découverte en biologie que j'ai faite cette semaine. Je trouvais ça vraiment beau. Ça m'est déjà arrivé aussi dans mon bain de voir des spermatozoïdes se promener. Genre de mantra. Oui, je trouvais ça beau aussi. Respecté parce que j'ai laissé à côté de moi pour eux, pour les admirer, pour admirer tout ce qui est bon dans. Thank you.